dès qu'il s'agissait d'aller à l'atelier du gros caillou, manier la glaise et réaliser la maquette. Tantôt la pendule du prince exigeait la présence de Venceslas à l'atelier de Florent et de Chanor, où les figures se ciselaient. Tantôt le jour était gris et sombre, aujourd'hui des courses d'affaires, demain un dîner de famille, sans compter les malaises du talent et ceux du corps, et enfin les jours où l'on batifole avec une femme adorée. Le maréchal-prince de Wissembourg fut obligé de se fâcher pour obtenir le modèle, et de dire qu'il reviendrait sur sa décision. Ce fut après 1000 reproches et force grosses paroles que le comité des souscripteurs put voir le plâtre. Chaque jour de travail, Steinbock revenait visiblement fatigué, se plaignant de ce labeur de maçon, de sa faiblesse physique. Durant cette première année, le ménage jouissait d'une certaine aisance. La comtesse Steinbock, folle de son mari, dans les joies de l'amour satisfait, maudissait le ministre de la guerre. Elle alla le voir et lui dit que les grandes œuvres ne se fabriquaient pas comme des canons et que l'État devait être, comme Louis XIV, François Ier et Léon X, aux ordres du génie. La pauvre Hortense, croyant tenir un Phidias dans ses bras, avait pour son Venceslas la lâcheté maternelle d'une femme qui pousse l'amour jusqu'à l'idolâtrie. « Ne te presse pas, dit-elle à son mari. Tout notre avenir est dans cette statue. Prends ton temps, fais un chef-d'œuvre. »